celle qu'elle rêve d'un gardien de cité. La pauvre homme à tout faire qui fut martyrisé par une bande d'ados plus enclins à citer les plaques de fun radio que les thémas d'Arte. Chaque jour, le pauvre agent débarrassait les murs de ses curieux slogans « Nique ta mère, nos futurs » et leur rappelait sans fin « Dehors, je le répète, l'ascenseur n'est pas un compartiment fumette. » Il passait sa vie à leur dire par pitié, vous faites peur aux mamies à squatter l'escalier. Ne jouez pas au baseball juste sous les carreaux. Inondez plus les halls de capote remplis d'eau. Les jeunes à l'unisson se plaisaient à colporter. Ils revend le chichon qu'il nous a confisqué. Dans la nuit, ils siphonnent l'essence des mobilettes. Dans les caves, ils s'adonnent la d'ignoble branlette. Des misères de sa vie, celle qu'il a achevée, c'est ce qu'ils ont écrit dans sa cage d'escalier. Ce graffiti vengeur, énorme et bien en vue. Hourra pour le facteur, le concierge cocu. Est un satyre, nous passons peur de lui. Comme il n'en pouvait plus, on le mit en pré-retraite. Mais horreur qu'elle a bu pour que les ados mettent un peu d'animation dans la vie du quartier. De son humble fond,